Le dirigeant suprême du parti, de l'État et de l'armée, Kim Jong-un, président du Parti de travail de Corée, président du comité des affaires d'État de la République populaire de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée, a inspecté les exercices de raid nocturne des pilotes du régiment de chasseurs héros Kim Yong-jo. Dans le but de faire livrer à toutes les unités des forces de l'air les exercices pratiques de combat réel à travers les raids nocturnes des cibles terrestres par les chasseurs décollés dans la nuit en l'improviste, de sorte que les pilotes de combat puissent abattre impitoyablement tous les objectifs ennemis, il a donné un ordre inattendu au régiment de chasseurs héros Kim Yong-jo pour évaluer et examiner sur place sa compatibilité. Il a été accompagné des cadres responsables du parti et de l'armée, notamment le sous-maréchal Fang Byung-so, chef de la direction politique générale de l'armée populaire de Corée. Arrivé au parking, il a examiné l'état de préparatif de décollage des chasseurs. En regardant les pilotes fiables, il a dit « À penser au vomissement des faucons rouges dans le ciel de décembre, je me souviens du grand général Kim Jong-il affectueux, qui nous a laissé ses instructions tendres dans l'intérêt des pilotes de combat, même à la dernière époque de sa vie. La voie aérienne des pilotes est à la lettre celle menant près de notre général et qui raffermit les liens de sang avec lui. » Au poste d'observation, le dirigeant suprême Kim Jong-un a examiné le plan de vol de raid nocturne et, après avoir écouté la décision du commandant des forces aériennes et de DCA de l'armée populaire de Corée, il a donné l'ordre de commencer les exercices. Sur le visuel sont apparues les traces de navigation des chasseurs en vol exact, suivant la ligne tracée par le commandant suprême. D'un air très satisfait, le maréchal a dit qu'il voit clairement les chasseurs en vol exact, même dans la nuit, que les pilotes maintiennent bien le système de vol, et que la scientifisation et la modernisation du commandement de vol sont réalisées à un niveau élevé. Les chasseurs sont arrivés enfin à tour de rôle au-dessus des cibles. Devant le visuel montrant les raids saccadés effectués sur les cibles, le dirigeant suprême a applaudi fort, un large sourire aux lèvres, en déclarant ainsi « On a fait mouche. Il me semble que les exercices se déroulent en plein jour et non pas dans la nuit. C'est formidable. Comme je le répète chaque fois que j'inspecte les exercices des pilotes de combat, la défense de l'espace aérien de la patrie ne tient jamais compte du climat et de l'heure. » La guerre moderne est menée dans les pires conditions et il faut livrer sans cesse de tels exercices afin de former impeccablement les pilotes de combat en guerriers compétents et polyvalents capables de bien accomplir leur mission à n'importe quelle condition. J'ai organisé par surprise ces exercices de raid de nuit difficiles et les fiables pilotes de notre parti ont fait preuve de leur capacité d'effectuer les sorties à tout temps sur l'ordre du parti. Grâce à ces troupes d'assaut aérien armées de l'esprit indomptable de défense de la patrie et de l'esprit de se faire sauter avec avion, le ciel de notre patrie sera jamais clair et bleu. Le dirigeant suprême Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les pilotes qui ont fini avec succès les exercices. En serrant les mains des pilotes versant des larmes d'émotion, le maréchal a affirmé que l'esprit inflexible des pilotes manifestés dans les exercices de raid nocturne, qui demandent particulièrement du courage, c'est la richesse spirituelle précieuse et que notre parti, notre patrie et notre peuple sont très heureux d'avoir de tels pilotes excellents. Ce faisant, le dirigeant suprême Kim Jong-un a prié de transmettre ses salutations à tous les pilotes, militaires et leurs familles de l'unité. Le dirigeant suprême Kim Jong-un a dit que les pilotes accomplissent bien leur mission comme aujourd'hui, malgré les conditions défavorables, étant donné qu'ils sont en vol jour et nuit dans le ciel de la patrie, en attendant l'ordre du parti pour le combat, et il a remercié le régiment de chasseurs héros Kim Yong-jo au nom du commandant suprême de l'armée populaire de Corée, avant de prodiguer ses bienfaits énormes à transmettre à jamais.